Très chers amis, bonjour. Vous êtes sur Art Milchek. Ceci est la première émission. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler. On clique sur tous les numéros. Et on attend de voir l'article qui s'affiche. Art Milchek numéro 1, c'est pas celui-ci. Auto-édition, Gang Bang Bambi. Alors, l'auto-édition, c'est la catégorie Gang Bang Bambi. C'est le nom du magazine. Il est très simple, c'est une feuille A4. Dessus, on imprime recto verso. Au verso, il y a un poster, une image donc qui fait toute la taille de la feuille. Et au recto, il y a 1, 2, 3, 4, 8 petites images de la même taille, 8 petits rectangles. Et le principe est très simple, on prend la feuille, on la plie en deux, on la plie en quatre, on la plie en huit. Une fois qu'elle est pliée en huit, on la réouvre, on fait une encoche au centre, hop, on replie, je vais vous montrer tout ça en photo, et ça fait quatre petits, un magazine de quatre pages qui se tourne. Je l'ai très mal expliqué, c'est très dur à expliquer, et vous allez tout voir en photo. Alors j'ai interviewé sa créatrice qui souhaite restez anonyme, c'est comme ça. On va l'écouter. Neuf heures du matin, mon train arrive. La ville de Mons, en Belgique. Mais tu vois, c'est l'idée que le magazine soit fait dans des magasins d'art. Pas beaucoup d'habitants, pas très grande ville. Des gens sympas, gentils. Les Belges francophones. J'ai rendez-vous avec la créatrice de Gang Bang Bambi. Nous marchons, un accueil sympa. Nous rigolons, oui, nous sommes bel et bien de la même école. Gentil, calme, subtil, juste ce qu'il faut de cruauté afin de ne pas subir les méchants. Un truc du genre. Allez, qui est-elle et que fait-elle? Elle fait mille choses et parmi ces choses, un petit magazine en feuille A4. Ben en fait, tu vois, on va essayer de. On fait des articles qu'on écrit sur le web, articles classiques. Et ensuite, on essaye de sourcer, de faire en sorte que ce soit des vrais articles. Et ensuite, on utilise cet article pour faire une émission de radio. Alors, ça commence comment? C'est beaucoup de préparation, l'écriture de l'article. Et tout ça devient la préparation à l'émission de radio. Et après, on fait un long métrage, ou un court métrage, ou un moyen métrage, sur le contenu à la fois audio et texte, mais on le fait à partir des commentaires des gens, tu vois. Voilà, c'est tout simple. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé une amie qui a un magazine de feuille A4. Mais je crois que ça va faire quand même 4 minutes qu'on vous le dit. Alors on va peut-être l'entendre pour de vrai maintenant. Et tu peux nous dire ce sera quoi les prochains numéros? Bah écoute, désolé, mais j'ai aucune idée. Bon, j'ai même pas encore commencé à faire la sélection d'images parce que je commencerai ça mardi quand le premier sera sorti. J'espère avoir des retours aussi. J'ai mis une adresse email. Donc si jamais vous avez ça entre les mains, eh ben n'hésitez pas à m'envoyer un email et bientôt je créerai un Facebook aussi. C'est gangbangbambi.com, tout simplement l'email. Voilà. Et les gens, moi je te ferai un site pour que les gens aient puissent envoyer leurs photos Ah mais ça, au vote. ils peuvent me l'envoyer par Gmail. Ouais. Ben, ce sera tyrannique hein, si j'aime pas, je le mets pas. Il y a tout qui veut de l'odeur. Et bon, comme on n'est pas trop con, on s'est très vite rendu compte que En fait, on était en train de faire du média autour du média et que finalement c'était des bouts de papier qu'on n'avait pas trop finalement envie de se prendre la tête en faisant de la pub, en se disant ah, je suis un super pro, etc. Alors, on a quand même essayé, on a quand même essayé de se poser deux, trois questions pour RAF pour faire style qu'on était dans la presse. Quel sera l'avenir de ton magazine, à ton avis? C'est ça? Tu crois en la presse? Tu crois en la presse? Non mais quelle question à la fin. Bon, on avait envie de se balader, alors on s'est baladé dans la ville et on a fait semblant de faire une interview à la con. On avait juste envie de pas avoir trop froid parce que ça commençait à cailler dehors. La fille était drôlement mignonne, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, fallait bien que je m'intéresse. J'avais fait 200, 300, 400 kilomètres pour la voir et pour l'interviewer. J'étais payé des bonnes piges par Art Milchek. Vous vous rendez compte? Des types qui payent 400 euros la journée, ça existe encore. Alors ça va décidément être une émission un peu longue parce que je dois te poser trois questions maintenant. La première c'est on est dans quelle ville puisque tu distribues le truc dans le magazine dans une école. À Mons. À Mons, c'est en Belgique. Oui. Et là on était sur une place donc. C'est la place de Mons. Ouais. Place de Mons. Ouais. Prépare une fête, on dirait. Bah, c'est la nuit du théâtre. Ah, la nuit du théâtre. Ah, c'est genre, apparemment, il y a des trucs. Bon, j'ai visité la ville. Il fallait que je lui pose les questions. On allait faire des photocopies. Ça allait être le trip. Je vais faire deux, trois photos. Alors donc, bon bah, ton magazine, bah, ouais, c'est bah, à Mons. Le magazine. Là, j'enregistre le son surtout. Ton magazine, ah, ouais, c'est à Mons. Ouais. Et tu vois, je peux même filmer une partie. De... La raison qui me pousse à réduire considérablement la... mon champ d'activité, enfin, ma zone géographique, c'est aussi l'argent, quoi, parce que... Bon, c'est pas que. Bon, là pour faire son copie, ça va me coûter environ 5 euros. Ben, ça va par mois, ça me fait 20 euros, ça va, mais faut pas en faire 1000 quoi. Moi, c'est pas possible, du coup, bon. Voilà. Alors, donc, c'est 100. Et si les gens aiment bien, tu te dis, bon, ben, 2 euros. Ils vont se démerder. Non. Ah bon? Non, bah on verra, mais moi je peux pas sortir de l'argent de mon couple. S'il y a une donation avec un compte PayPal par exemple. J'ai un gros doute sur à chaque fois qu'une personne. Mais à chaque fois qu'une personne en. Il y a Stéphane. Ça, ah, ouais. Interview de Stéphane. Ça va Steph? Comment va Laurent? Tu fais des sous Stéphane. Hein? Il a de la chance, tu fais des sous. Un peu, ouais, un peu. Il faut. Chaque matin, pour gagner mon pain, je vais au marché où l'on vend des mensonges et le cœur plein d'espoir. Je me range à côté. Ah bah, il y a déjà ce soir, il y a demain, fin d'après-midi, dimanche aussi. Quoi. Voilà. Ils vont pas avoir un temps trop horrible. M'en fous, on le fera quand même. C'est la Belgique, on est bien. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il y a une autre partie, une autre partie qui est organisée par la ville, et s'il pleut, les acteurs sortent pas pour faire leur show. C'est dommage, hein. Quoi, toi, tu joues dedans aussi? Non, je monte le truc, quoi. Les décos, tu vois, les décos de... Ça va? Vous faites quoi? Vous faites l'installation? Tu veux que je t'aide en le tenant? Ouais, je voudrais bien. C'est passé, hein. J'ai demandé à vous faire, voilà. Mais... Voilà, il t'a déjà embauché. Ouais. Mets-le un petit peu, tu centres le mieux. Il y a personne sur ton pied. Ah bah t'en mets deux. T'en mets deux à la suite de l'un l'autre. Je connais tout. C'est le MacGyver de la vie. Et toi maintenant tu connais tout aussi, ça y est. Bonjour. Ça te plaît de travailler? Ouais. Tu t'appelles comment? Léo. T'as quel âge? 12 ans. 12 ans? Bientôt 13? Oui, bah alors dans un an quand même. Ah, dans un an. Ah, dans 12, dans 12 mois? Non, au mois de juin. Bon, c'est dans un an. Bah allez, bonne travaille bien. Merci. Ciao. Alors l'oiseau. Oui. Ciao. Au revoir. Ciao Steph. Bon bah. Maman, c'est quelle heure? Je vais en voir pour moi. Tu peux peut-être venir voir ce soir? Bon. Mais ça a l'air bien. C'est jamais qu'il y a des trucs gratuits dans la ville, ça vaut la peine. Hein. Il a commencé à tomber. Hein. Ouais. Alors donc, t'as vu, l'interview, elle est enrichie. T'es bien tellement en Laurent. Ouais. Ah, t'as réussi, t'as vu. Ouais. Merci. Alors, vous pouvez nous dire, c'est quoi le coût du... Tu peux nous dire, c'est quoi le... Déjà, est-ce que tu veux être anonyme aussi sur le web, sur magazine? C'est pas un projet web du tout. Ouais, mais moi, je fais un projet web, et ce projet web parle de ton projet. Hein? Mais ouais, mais ça c'est ton truc. Mais moi, j'ai un site web, d'accord. Et dans mon site web, je parle de ton magazine. Donc ton magazine, est-ce que tu veux bien que j'en parle dans mon site web? Est-ce que toi tu veux être anonyme? Ouais, donc je te filme pas toi. Si c'est pas grave. Attends, je vais faire un morceau techno avec le truc électrique. Ça c'est. On voit que l'été est parti quoi. Alors tu vois, quelquefois je prendrai le son, quelquefois je prendrai l'image, mais je le fais surtout pour le son, quoi. Du coup, dis-moi... ça parle de quoi, ton magazine? Ça tourne, là? Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Chers auditeurs, enfin du contenu. Enfin une première question. De quoi parle ton magazine? Ça parle de pas grand chose. C'est un peu le même principe que Tumblr, version papier. Il y aura environ 6-7 images dans chaque fanzine. Ouais. C'est vraiment au coup de cœur. Enfin, c'est très spontané. Là, dans le premier numéro, je crois que c'est que des images de toi. Ah non. Ah bon, ouais. Il y a plusieurs trucs que j'ai pris sur internet. Hein. Et c'est plus ou moins optimisé pour le noir et blanc, quoi. Je pense qu'il y a que deux images de moi dedans. Et les autres, c'est des images de qui? C'est des trucs que j'ai trouvés sur internet. Je fais attention à ne pas prendre d'images d'artistes, quoi. Comme si c'était tentant. Et ça doit être optimisé pour le noir et blanc quand même, quoi. Ouais, mais ça, je pense que j'essayerai de voir ça avec le temps. le premier numéro, je ne sais pas s'il sera très optimisé pour le noir et blanc, mais bon. Je vais aussi rajouter des couleurs au fluo, avec un marqueur fluo. Ouais, ça va. Non, alors, il y a combien d'exemplaires? Et c'est toutes les semaines ou tous les mois? Ouais, toutes les semaines. Pour l'instant, il n'y en a même pas encore un, vu que l'un va seulement sortir lundi. Tous les mois, t'as dit? Ouais, toutes les semaines. Toutes les semaines, carrément. Ouais. C'est beaucoup au début, non? Bon, en même temps, ça ne prend pas tellement longtemps à faire. Hein, ouais, c'est clair. Et heures, combien de numéros par semaine? Est-ce que c'est un tirage J'étais parti sur un tirage de 100 numéros, mais après je vais voir avec le premier numéro si les gens les prennent ou pas, s'il y a plus de la moitié qui reste, que personne ne l'a pris, je vais peut-être revoir à en sortir moins d'un coup. Mais... Et tu vas les déposer où? C'était en les déposant ou tu les donnes? Non, je vais les déposer. Enfin, le premier numéro, il sortira surtout à l'école, mais après, je verrai bien. Ça serait très culos peinardos. Et il y a un but éditorial ou c'est plus une création personnelle? Est-ce que t'es déjà dans un... Est-ce que l'œuvre, c'est déjà le public ou... Je sais même pas si c'est très artistique, c'est enfantine. Mais... C'est plus pour te divertir? Ouais, divertir les gens. Et puis c'est un mini format, hein. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à regarder, mais c'est une petite parenthèse comme ça. Ouais. Pour découvrir des images aux gens, quand on voit. J'ai oublié ma dernière question. Ah ouais. Alors c'est quoi les 6 photos de cette semaine? Il y en a 7 cette semaine puisque le poster. Ah non, attends, j'ai pas fini avant, c'est la méthode de distribution. Est-ce que tu en auras toujours dans tes poches? Est-ce que tu en donneras dans la rue de temps en temps? Tu as des amis? Après, je t'ai répondu, j'ai dit que pour le premier numéro, en tout cas, je monte ça à l'école. Ah ouais. C'est un bon public. Ah ouais, d'accord. Franchement, on verra bien si ça marche ou pas, hein, si les gens aiment bien ou pas. J'ai mis une adresse email dans la publication, comme ça. Si les gens ont envie de réagir, ils ont envie de réagir. Ah, tu sais, les coiffeurs, on a 50 ans. T'as mis une adresse email? Ouais, j'ai créé une adresse email exprès. Et tu sais que, avec moi je te ferai de la pub, et les gens pourront commenter sur Facebook, et du coup, tu pourras voir ce que les gens en pensent et tout, quoi. Bah, de la pub, je sais pas trop dans quelle mesure tu peux faire de la pub, parce que surtout que les gens aient accès au contenu, quoi, dans l'école. Bah ouais, mais là ils vont voir l'interview et ils vont surtout voir les photos, ils vont voir en photo comment tu as fait le truc et tout, quoi. Parce que je sais pas si ça peut vraiment marcher sur le net avec une telle profusion d'images. L'intérêt de le faire sur papier, ah, c'est juste... Mais c'est l'objet qui est intéressant. Justement, ouais, c'est l'objet et puis c'est aussi vraiment qui est... Le fait de le mettre sur papier, ça permet aussi aux gens de se focaliser plus facilement, quoi. D'ailleurs, sur Internet, 6 images, tu les survoles, donc là, ce sera un objet dans la main, un petit bouquin comme ça, un petit magazine. Ça peut être marrant. D'ailleurs... Sur Internet, je pense pas que ça puisse marcher. D'ailleurs, parle-nous de l'objet, et après on parlera du contenu du premier numéro. Alors, là, on a fait une première minute, je vais peut-être prendre en photo là où on se trouve actuellement, et puis on reprendra. Bon. Le truc était sympa, le magazine était cool, les photos étaient chouettes. La fille allait se galérer pendant des heures et des heures à plier tout ça. Elle allait les poster, et puis elle allait d'ailleurs les poster sur des endroits où des professionnels du spectacle impriment ça, avec les budgets de l'État et autres subventions, comme du papelard. Elle adorait ça. Mais le problème, c'est que je les ai vus, je l'ai vu faire les 100 numéros et elle les a fait hier et il y a encore les petits plis sur la table. Ça lui a pris des heures et des heures, elle a tout fait ça à la perfection. Moi, j'aurais fait ça en torchant le truc le plus vite possible. Elle, au fil du temps, elle me disait, ah, j'arrive à en faire des mieux en mieux, j'ai chaque geste nouveau jusqu'à la perfection. Et moi, ça me débectait d'imaginer que les gens le prendraient, le jetteraient, tchac, par terre, colleraient dans un coin, gueuleraient contre le recyclage. D'ailleurs, à ce propos, il y a un chouette truc. Pour sauver un arbre, manger un castor. C'est juste pour le son. Donc là, tu vas le dessiner. Ouais, je vais mettre des zones de bleu fluo. Où ça? Ici, sur la culotte, parce que dans la photo originale, c'était en bleu. Et ici, sur la mèche, parce que dans la photo originale, c'était en bleu aussi. Je me suis dit que j'allais garder ça. Excellent. Et tu vas faire que ces deux endroits, Ouais. quoi. Du coup, chaque exemplaire sera unique. Ouais, c'est vrai. Plus ou moins, quoi. Là, voilà. Bon anniversaire, Gang Bang Bambi. Ah, bon, zéro anniversaire. Bonne naissance. Ouais, bonne naissance. Avec un bon verre de vin. Là, t'as 100 exemplaires. ou 99. 99. Ah ouais, parce que j'ai le centième, moi. Non, parce que t'avais fait Ouais. un hâte, t'en avais imprimé 99 et pas 100, en fait. Voilà. Ça t'est revenu à combien? 6 euros quand même. Mais en comptant. Avec le et sans, ouais, en comptant les trucs, je pense que c'était quand même 9, truc comme ça. Non, il a rendu une pièce de deux. Ah bah donc 8 et quelques, 7 et quelques. Bon, c'est un peu C'était plus cher que ce quelques. que je pensais. Hein, Mais parce que tu as fait impression et les photocopies, elles sont à 0,2. mais... Ouais, ça m'aurait coûté moins cher. Ah La ouais? prochaine fois, Ça t'a coûté 2 cents sans. Bon, c'est pas grave. Allez. Par contre, la pression souvent est meilleure que la Bah oui, photocopie. ce que c'est vraiment la photocopie. En trois photocopies, si par exemple tu fais une photocopie, puis tu photocopies la photocopie, puis tu photocopies cette photocopie, en trois trucs, tu vois plus rien. Hein. Ok. Donc faut vraiment, c'est vraiment que ça aide Mais non, beaucoup. tu fais le même. Tu photocopies toujours le même Je sais, cadran. mais tu vois, ça veut dire quand même que Elle chauffe, quoi. si en trois trucs on voit plus rien, en un truc, ça abîme quand même considérablement l'image, quoi. Déjà là, c'est pas nickel. Mais à mon avis, tu dois plutôt travailler les contrastes à fond et travailler les images en noir et blanc. Tu vois, pour booster les contrastes en te disant, ben voilà, je refais de l'image différemment, quoi. Mais c'est excellent, moi j'aime bien. Je trouve que tu as bien alterné dessin et photo. Et je trouve que des petites bulles de texte auraient été vraiment géniales. Bon, c'était pas le but. Par exemple, avec Google Images. Tu peux, tu vois, mettre des adresses, des URL hyper courtes. Et les gens, quand ils se connectent, ils peuvent avoir un album, un article, un truc que tu remplis plus tard, un statut Facebook, tu vois, un statut Facebook. Et tu vois, c'est des URL super courtes. Des URL qui font, tu vois, si tu enlèves le HTTP, tu as 10 mots, quoi, même pas. Tu peux en avoir 7, quoi. Attends, je voulais te demander un truc. Donc, c'est une feuille A4. Cette feuille A4, t'imprimes recto verso dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Faut que tu nous expliques. Bah après je les plie, il y a un Tu petit nous pliage, montres. un petit J'extrairai pliage les à photos. faire. Il a déjà bien vécu hein, celui-là. Non, ça va vite. Donc c'est ça. Ouais. Tu plies d'abord en deux. Ouais. Tu plies encore en deux comme ça. Ouais. Puis encore en deux, donc tu le plies en huit. Ouais. Puis après il suffit de faire une coupure ici entre les Au trucs du centre. milieu, quoi. Ouais. Donc après t'as ça Ouais. avec un trou. Puis tu Tu le plies plies comme en deux, ça. en. Non, tu le plies en large. Comme Ouais. ça, Hop. tac. Et voilà. Voilà. Et t'as un petit magazine. Et alors là, page 1, page 2. Voilà. Bon après ça me saoule un peu les problèmes avec Ça ça. donne l'idée d'un. De quoi? Bah les lignes blanches, Oh, moi, je. Bah, du coup, tu dois justement je le sais ce que mettre. c'est, hein. Ouais. Bon, moi je pense qu'un contenu, à 100% blanc, justement. Bon, en même temps, ouais, t'as un peu raison. Non, ce que tu fais, regarde, Colin. Ce que tu me rajoutes, les bandes blanches ici aussi. Du coup, il y a des bandes blanches partout, tu vois. Mais du coup, ça m'enlève de la taille d'image. Ouais, ça enlève de la taille d'image. Mais tu peux, en essayant de rogner les marges au maximum, tu sais, maintenant, peut-être que dans les mag que les photocopieuses savent pas le faire, mais les imprimantes si, ou l'inverse, en fait. Ou l'inverse. Tu sais, regarde, là, grosso modo, tu découpes les images, tu les recadres dans une feuille noire, et t'as un cadre... T'as un cadre... dans une feuille blanche. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Moi, je crois qu'il faut plutôt en imprimer un, et après... Attends, je voulais te poser une question. C'est... Ah ouais, c'est quoi le contenu, vite fait, alors? Que tu as mis? Ben, j'ai mis un petit bambi dans le truc du dos pour rappeler le nom. Ouais, vas-y, fais voir. Le poster. Ah ouais. C'est le poster central. Ouais. Bon, voilà. Puis il y a Sacha Grey qui est une ancienne, je pense, actrice porno. Qui est une des plus belles femmes du monde, selon moi. Ouais. Là, il y a une photo de moi où justement je vais mettre du fluo bleu parce Vas-y. Que. Allez, on y va. Je trouve une façon de faire ça proprement et tranquillement surtout. J'aurais pensé que tu aurais commencé au centre en t'éparpillant. En ayant la même énergie de diffusion. C'est le premier, je vais voir après. Magazine couleur. Ouh. Voilà, ça donne moyen. Hein. Mmh. Il faudra... Et faut que tu regardes aussi de l'autre côté comment ça donne. Et tu peux même faire des... proposer à des gens de redessiner dessus et de faire ça des va, niveaux. Côté, ça donne carrément bien. Ça n'a ouais. pas du tout transpercé. Ah, ça c'est bien. Un petit peu, il y a deux mini points, mais. Moi j'aurais visé la diffusion. Tu vois, je serais parti de là, j'aurais posé le truc et j'aurais tourné comme ça. Et après, à la fin, j'aurais fait une forme que je remplissais. Mais bon, bah, c'est excellent. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai tous les sujets. Ah ouais, tu m'as pas dit les autres. Ah ouais, bah il y a donc cette photo-ci du culotte. Il y a un des dessins que j'avais fait l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans. Il y a une double image que j'aime bien, ce petit clin d'œil humoristique, toutes les notions de racisme anti-blanc, tout ça. White tears, ça veut dire les larmes des blancs, quoi. C'est les... Sur la tasse, faut ouais, que ouais, sur la tasse. Ça veut dire les... Des pleurnicheries, des blancs pour des petites histoires qui n'ont rien à voir avec ce qu'endurent les autres les gens d'autres origines, quoi. Puis j'ai... c'est un vieux monsieur japonais qui est un peu connu, qui s'habille tout le temps en uniforme d'écolière, qui est très marrant, mignon comme tout. Là, il gambade dans la nature. Oui, je reconnais, il y a un copain qui lui a prêté sa fille en babysitting, il n'a jamais revu. Et alors ça, c'est vraiment une image que j'ai trouvée vraiment par hasard. J'avais tapé Horty nu parce que je voulais trouver des photos des membres du groupe Horty poil. J'ai trouvé ça, mais il y avait pas les trucs pour cacher. Ça, c'est moi qui ai rajouté pour préserver l'anonymat de ce monsieur. C'était qui, alors? Je ne sais pas du tout, non. C'était vraiment un type...